franceinter.fr. Affaire sensible à la fiction, aujourd'hui Nikit Saint-Phal, de La Révolte à l'art, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Léo Costen, réalisée par Michel Sidorov. Plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice de films, née en 1930, morte en 2002, Nikit Saint-Phal devient célèbre en 1962 avec ses tableaux « Tirs à la carabine » qui font saigner la peinture. S'inscrivant dans la mouvance des nouveaux réalistes, elle explore les représentations de la femme avec ses mariés, accouchements, déesses. Puis au milieu des années 60, ses nanas, sculptures monumentales et colorées, qui sont l'étendard d'un féminisme dont elle est l'une des premières représentantes. Son engagement dans un art public qui s'adresse à tous trouve son apogée dans le Jardin des Tarots en Toscane, sur lequel elle travaille pendant 20 ans. Personnalité magnifique et rebelle, Nikit Saint-Phal a produit une œuvre singulière, mélange d'engagement et d'énergie joyeuse, d'humour et de poésie. Lorsqu'elle décide de se consacrer à l'art au milieu des années 50, elle fait aussi le choix d'être une artiste autodidacte, plutôt que de suivre un enseignement académique qui briderait sa liberté. Victime d'inceste perpétré par son père quand elle avait 11 ans, un secret qu'elle ne révélera qu'à la fin de sa vie, Nikki choisit très tôt d'être une héroïne et de s'affranchir de l'existence sans relief des femmes de son temps. La radicalité de ses choix artistiques sera cependant toujours tempérée par l'optimisme, l'humour et une imagination d'une richesse inouïe. Entre 18 et 25 ans, Nikki pose comme mannequin pour les plus grands magazines américains puis français afin de gagner sa vie. Elle a alors rompu avec sa famille, bien sûr. Devenue artiste, elle saura jouer de la représentation photographique et filmique de son travail. N'oublions jamais de dénoncer les rôles assignés à la femme. Sa rencontre avec l'artiste suisse Jean Tinguely, qu'elle épousera, sera décisive. Il est peintre, sculpteur, dessinateur et inventeur. Il est en quelque sorte bluffé par le talent de son épouse. Ensemble, ils collaborent à de nombreuses œuvres, dont le Cyclope, également connu sous le titre Le Monstre ou La Tête, une sculpture monumentale construite dans la forêt de Milly entre 1969 et 1994. Outre Tinguely et Nikit Saint-Phal, une quinzaine d'artistes ont collaboré à cette œuvre. Daniel Spoerry, Jean-Pierre Reynaud, Eva Epli, César, Armand. Cette sculpture est aujourd'hui située dans le Bois des Pauvres, à Milly-la-Forêt. « Mon œuvre est autobiographique », dit-elle. « J'ai toujours essayé de mettre dans mes œuvres ce que je ressentais, sur le moment. Mon enfance était douloureuse, solitaire et difficile, et alors je m'échappais dans un monde merveilleux. Ça m'a donné une structure pour toute ma vie. Je ne vais pas regretter mon enfance, ça m'a permis d'être ainsi. » Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité, la vie et l'œuvre de Nikit Saint-Phal, nous recevrons après la fiction Camille Morineau, qui était commissaire d'exposition pour une rétrospective sur Nikit Saint-Phal au Grand Palais en 2014, puis au musée Guggenheim de Bilbao en février de cette année. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Affaire sensible. Nikit de Saint-Phal, de la révolte à l'art, de Léo Kesten. Une réalisation de Michel Sidorov. Mais méchant cafard! Qu'est-ce que vous avez à me dévisager ainsi? Sachez que moi, je n'ai rien à vous dire. Rien. Allez, disparaissez, bande d'insectes repoussants. La cohabitation n'a que trop duré. J'ai bien compris qu'une nouvelle crise d'angoisse déformait ma raison. Mon seul remède, ce serait le travail acharné. Ce travail qui me permet d'oublier mes souffrances morales et physiques. Mais pas comme ça, en pleine nuit! Dieu d'amour, je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Je me sens si seule. Bon, voilà. Je reprends peu à peu mes esprits. Je vais tenter, pour me faire du bien, de résumer la situation. Depuis une dizaine d'années, je me consacre totalement, exclusivement à ce projet qui est celui d'une vie. Mon jardin des tarots, un parc de 22 sculptures monumentales. C'est complètement fou, je sais. Alors, heureusement que je suis folle. Ceci posé, j'ai quitté ma petite maison de Garavicchio qui est à quelques kilomètres de là pour venir habiter au sein de l'une des sculptures du jardin. L'impératrice. Ouais, c'est comme ça que je l'ai nommée cette femme, mauvaise mère porteuse, inspirée de la statuaire égyptienne. L'impératrice, méchante et noble. Ah ! Et ce réfrigérateur qui ne cesse de bourdonner, il me met mes nerfs à vif ! Ça suffit, je vais t'éteindre, te clouer le bec ! Et tant pis si ma nourriture pourrit. Oh, rien à foutre. Où est-ce que j'en étais? Ah, oui. À mon impératrice dans le ventre de laquelle je vis. J'ai l'impression que ma sculpture maison a raison de ma raison. Quel retour en arrière. Elle me dévore, comme ma mère jadis. Décidément, cette mère dévorante me hantera toute ma vie. Je hais ces mères dévorantes. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me désangoisser? Bon, même si je sais que ce n'est pas sain, je vais prendre un calmant et rêver. Non. Non, je vais rêver d'abord et ne pas prendre de calmant ensuite. Enfin, peut-être. Au moment où nous prenons ce récit, l'artiste a un peu moins de 60 ans et sa renommée internationale est grande. Celle que nous connaissons à travers ses sculptures de femmes immenses, difformes, mais cependant gracieuses et pulpeuses, les nanas, a hâte de terminer la réalisation de son Jardin des Tarots, un ensemble monumental de 22 sculptures basées sur le jeu de cartes dont elle s'est inspirée. Construit entre 1979 et 1993, cet environnement d'art situé en Toscane est maintenant ouvert au public. C'est en multipliant notamment les éditions de ses nanas qu'elle a pu financer toute seule ce projet qui ressemble à plus d'un titre au Parc Güell à Barcelone. Et puis, elle a pu compter sur l'aide technique et artistique de son mari, le sculpteur suisse Jean Tingly. Des crises d'angoisse à répétition, oui. Tout a commencé en 1953. La jeune femme a alors 23 ans. Elle vit dans le sud de la France avec son premier mari, l'écrivain américain Harry Matthews, avec qui elle aura deux enfants. Victime d'une grave dépression nerveuse, la jeune femme est internée. Les électrochocs, quelle horreur! Nous avions diagnostiqué une schizophrénie. Et pour la traiter, vous avez employé des moyens barbares. Il le fallait tant le désordre de votre âme était grand. Le traitement a réussi, puisque vous voyez la sortie de l'hôpital. En fait, tout a commencé par une banale crise de couple. Harry enchaînait les aventures. Et moi, mal dans ma peau, je discutais des différentes manières de mettre fin à mes jours avec un lord anglais de l'âge de mon père. Et ? Vous allez rire, mais quand j'ai découvert que la femme du vieux lord était devenue la maîtresse de mon mari, j'ai cédé à ses avances. On s'entendait bien. Il me faisait sans cesse des compliments. Notamment sur le moyen que j'avais imaginé pour me tuer. Il trouvait mon idée brillante. Tout cela vous fait rire, n'est-ce pas? Les souffrances de mes patients sont loin de me faire rire. Pour le reste, je note que vous employez le passé pour parler de votre suicide, lequel n'est donc plus d'actualité. Mais vous brûlez d'envie de me raconter comment vous comptiez mourir. J'avais l'intention de m'embarquer sur un matelas pneumatique muni d'une paire de ciseaux bien tranchants. Une fois au large, j'aurais tailladé mon embarcation et coulé sans que personne ne se rende compte. Votre séjour au service psychiatrique de l'hôpital a été utile pour votre avenir, non? Oh, oui, docteur. Vous avez découvert l'art. Il me fallait choisir entre l'art et l'asile. Mes souffrances psychiques étaient comme un gigantesque piège à rats. Elles s'accompagnaient d'un immense cri muet qui ne voulait pas s'arrêter. C'est pour tenter de sortir de ce cauchemar que je me suis mise, avec bonheur, à assembler des brindilles, de l'herbe, des cailloux ramassés dans le jardin de l'établissement. J'ai réalisé, au fond, des collages. Ainsi, pour vous reconquérir, vous avez trouvé un autre moyen que le suicide. La thérapie par l'art. Devenue une nécessité vitale. Et puis, des amis m'ont apporté une boîte de tubes avec lesquels j'ai peint mon tout premier tableau. C'est donc une petite gouache sur papier intitulée « Menton Musique Festival ». En fait, j'ai tout simplement croqué un concert auquel j'avais assisté. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Cette lettre. Vous voulez me la montrer? Vous en parlez d'abord. J'ai vomi quand je l'ai lue. Depuis, j'ai des migraines effrayantes. Oui. C'est une lettre de mon père. J'avais coupé les ponts avec lui. Et puis voilà qu'il m'écrit pour confesser ses péchés. Un vocabulaire très religieux. Vous ne croyez pas si bien dire. Mon père a besoin, en bon chrétien, de confesser ses péchés. D'autant qu'il a appris mon internement. Il se sent coupable vis-à-vis de moi. Coupable? Mais de quoi, grand Dieu? Il rappelle dans sa lettre qu'il a tenté de faire de moi sa maîtresse alors que j'avais 11 ans. J'ajoute que... Continuez. Il a mis son sexe dans ma bouche. Monsieur le comte ne peut pas avoir fait une telle chose. J'avais enfoui cette ignominie tout au fond de ma mémoire et voilà qu'elle vient de ressurgir de façon brutale, inattendue, violente. Votre père est un honnête homme. Il ne s'agit pas d'honnêteté, docteur, mais de perversion. Mon père a bien fait ce que je vous ai dit. Donnez-moi cette lettre que je la brûle. Votre père est victime d'hallucinations. Un homme de son milieu et de son éducation ne peut pas s'être comporté de cette façon. Je vais écrire sur le champ à monsieur le comte, votre père, pour lui demander qu'il cesse de vous importuner. Curieux psychiatre en vérité, d'un autre temps, où l'on estimait peut-être que d'être bien né rendait impossible toute forme de perversion. Quant aux incroyables aveux d'André de Saint-Phal, ils viennent du fait qu'il avait adhéré en 1947, avec Jacqueline, sa femme, à une secte ultra-religieuse baptisée « Réarmement moral ». Ainsi, le père de l'artiste a été poussé au repentir par ce groupe qui recommandait à ses fidèles une pratique absolue de la vérité. Toujours est-il que Niki de Saint-Phal se remet plus vite que prévu de sa profonde dépression, se mettant à peindre avec assiduité. Et plus tard, elle parlera de l'attitude de son père dans un film intitulé « Daddy », puis dans un livre qui paraîtra quelques années avant sa mort, « Mon secret ». Du coup, Niki de Saint-Phal, nourri des vices paternels et de la sévérité d'une mère rigide et froide, ne cessera de créer une œuvre dans laquelle sa révolte pourra s'exprimer, une souffrance qui la poursuivra toute sa vie. Ainsi, dans ses célèbres tableaux tirs, elle fait feu à l'aide d'une carabine sur une plaque de bois derrière laquelle sont suspendues des poches remplies de peinture. Elle tire dessus en injuriant son passé. Au fond, de la peinture qui saigne. Mais elle est ressuscitée! Super intéressant ce que tu fais, Niki. On se connaît? Pas encore. Vous êtes? Jean Tingly, sculpteur, ou plutôt inventeur de machines de ferraille qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien? Vraiment? Je viens d'en faire une où le spectateur, amateur d'art, peut l'actionner et repartir avec un dessin conçu par la machine. Un dessin que je signe naturellement. Et je mets ainsi l'art à la portée de tous en le démystifiant. Nos démarches se ressemblent, non? Pour en parler, je t'invite dans mon atelier ou à boire un café sur une terrasse ou les deux. C'est votre travail qui m'intéresse. 12 Impasse Ronsin, Paris. Victime! Prête! Feu! Oh! moi ! Décidément, un système de séduction très élaboré. Vous êtes un charmeur vêtu d'un bleu de travail. Original ? Vous vous baladez toujours comme ça ? Ça dépend. Victime. Victime de quoi ? Pour résumer, de mon éducation. Oh. En fait, je tire sur papa, tous les hommes, les petits, les grands, les importants, les gros, les hommes, mon frère, la société, l'église, le couvent, l'école, ma famille, ma mère, tous les hommes, papa, moi-même. Je tire parce que cela me fait plaisir et que cela me procure une sensation extraordinaire. Je tire parce que je suis fascinée de voir le tableau saigner et mourir. Je tire pour vivre ce moment magique. Quelle souffrance. Quelle force. Tu es belle comme un cœur, Nikki. Dans une autre vie, j'ai été mannequin. J'ai même fait la une du magazine Vogue, mais dans une autre vie. Tu es mariée ? Et vous ? Ma femme, que j'adore et réciproquement, cherche à me mettre dans les bras d'une autre. Nous sommes très libres. Eva n'ira voir ailleurs que lorsque mon avenir sentimental sera assuré. C'est qu'elle tient encore à vous. D'une certaine façon, oui. Et toi, tu en es où ? Trop tôt pour en parler. Bon, Jean, vous la prenez, ma carabine ? Mes amis ont mis en place un nouveau relief. Fais-le toi-même, je sens que tu as besoin de te défouler. Vous y êtes allé, un passeron sain. Oui. Une amie m'a accompagnée. Outre l'art de Jean Tinguely, incroyablement fort et plein d'humour, ce qui m'a le plus frappée... Séduite. C'est quand Jean a écrasé son mégot de cigarette sur une motte de beurre. Du jamais vu dans votre milieu. À tel point que je me suis sentie fondre. C'est, entre autres, la différence de nos origines sociales qui me fascine. Fascine. Un terme fort. Je résume de façon caricaturale. Jean se balade tout le temps en bleu d'ouvrier, même quand il est invité, alors que moi, j'adore les robes de grand couturier. Il y a autre chose qui vous fascine, ou vous effraie, et donc vous attire, n'est-ce pas ? Je suis allée boire un café avec lui, et là, il m'a expliqué comment il faisait pour séduire les femmes. Autrement dit, c'est un coureur de jupons. Vous voilà prévenu. Mais vous vous jetterez tout de même dans ses bras. Je suis comme toutes les autres et j'ai la vocation du malheur. En sachant que le malheur me galvanise, il est source d'inspiration. Je vais quitter Harry, divorcer. Mais, il y a les enfants. Laura et Philippe. Ils ont besoin de moi. Si seulement je ne les aimais pas. J'ai peur. Vous avez peur de ressembler à votre mère. Exactement. Je déteste mon égoïsme, mais je dois vivre ma vie d'artiste. Je ne peux pas faire autrement. J'ai hâte de commencer mon travail. J'ai tant d'œuvres en tête. Un travail autobiographique, en quelque sorte. Et donc douloureux. Nikki de Saint-Phal naît Catherine Marie-Agnès de Saint-Phal à Neuilly-sur-Seine le 29 octobre 1930, à un peu plus de 30 ans quand elle emménage impasse Ronsin chez Jean Tinguely. Une vie heureuse et houleuse avec Jean. Une vie d'artiste à part entière, où l'un épaule l'autre et réciproquement, dans un climat de création intense. Ainsi, pour l'heure, Nikki de Saint-Phal est tout à son bonheur, même si ses œuvres s'inspirent toujours de son passé douloureux. Mais la jeune femme qui a pris son destin en main, une féministe à sa manière, s'amuse du machisme joué de son nouveau compagnon, assumant le temps d'un jeu cette contradiction. Allez, Nikki, j'écoute ta profession de foi. Moi, Nikki de Saint-Phal, abandonne tout titre de supériorité. Également, j'affirme que Jean Tinguely est le chef absolu et je m'engage à me soumettre à ses ordres. C'est bien, continue. Dorénavant, j'abandonne toute activité artistique pour me consacrer uniquement aux travaux ménagers. C'est de mieux en mieux. Continue sur ta lancée, Nikki chérie. Je suis d'accord de me consacrer à l'alimentation culinaire de Monsieur Dinguely. Dinguely. De lui faire de bons desserts. Je consens de voir son ex, la jolie Eva, et d'utiliser le téléphone qu'après en avoir demandé l'autorisation au roi et patron Jean Dinguely. Il ne te restera plus qu'à apposer au bas de ton engagement la mention « lu et approuvé » et ta signature, bien sûr. Bien sûr, j'en ferai un joli parchemin décoré de petites fleurs multicolores et de cœurs rouges avec une écriture d'enfant. Ah, Eva a eu raison de te jeter dans mes bras. Goujat. La sélection a été rude. Oui, je m'en doute. Ah, je n'aurais pas de meilleure amante, associée et rivale que toi. Je te retourne le compliment. Harry, qui continue de me soutenir, vient de m'acheter 3 peintures. Oui, c'est bien que ton ex te soutienne, car il faut bien que tu vives de ton art. Je ne t'ai rien demandé, Jean. Mais quand même, compter les bûches que chacun met dans la cheminée, là, je trouve que tu exagères, c'est pingre. Non, j'ai le sens de l'économie. Tu parles. Toi qui adores au sens propre jeter les billets de banque par la fenêtre, l'autre jour, alors que tu rentrais de Suisse, tu as ouvert la fenêtre de ton compartiment et tu as jeté un à un les billets que t'avais remis ton galeriste de Zurich. Oh, ce n'est pas la même chose. L'argent corrompt. Si tu continues à être aussi incohérent, Jean, j'achète du caviar et je le donne au chat, histoire de jeter moi aussi l'argent que je n'ai pas par les fenêtres. Rappelle-toi que je suis le chef. Je n'ai rien signé. Je crois que j'ai terminé, du moins pour le moment, de crever mes abcès en tirant sur des reliefs ou avec des fléchettes sur des cibles-têtes. J'ai envie de passer à autre chose. C'est comme si, après le temps de la révolte, venait celui de la souffrance, celle des femmes. Qui enfantent. C'est le début du Nana Power. La seule possibilité, alors que le communisme et le capitalisme ont échoué. Je pense qu'est venu le temps d'une nouvelle société matriarcale. Tu crois que les gens continueraient à mourir de faim si les femmes s'en mêlaient ? Les femmes mettent au monde. Elles donnent la vie. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elles pourraient créer un monde dans lequel nous serions tous heureux de vivre. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Jean chéri. My love. My lover. Le premier assemblage réalisé par Nikki de Saint-Phalle représente une femme à l'échelle humaine. Son visage est couronné d'une épaisse chevelure en crin parsemée d'oiseaux factices. Sur son épaule droite, l'artiste a posé une foule de petites figurines inspirées de dessins animés. Une minuscule cage à oiseaux est nichée entre ses deux seins. Enfin, tout son corps fourmille d'animaux en plastique, de poupées démembrées, de fleurs mortuaires. La sculpture est amputée des deux jambes et exhibe entre ses cuisses un poupon nu en celluloïde. De la difficulté et de la souffrance de devenir mère. Une fois de plus, le passé de Nikki de Saint-Phalle ressurgit de façon tout à fait inattendue, sinon improbable, lors d'une séance de spiritisme. Surnom de la voyante, la soucoupe. L'artiste a alors 40 ans. Tout Nice connaît la soucoupe et ses extraordinaires dons de divination. Comme moi, elle lit dans les âmes, mais par d'autres moyens. Le cartésien que je suis en est fortement ébranlé. Je vous remercie. Une question cependant avant de commencer la séance. L'un ou l'une d'entre vous est-il, est-elle terrifiée par ce que j'appellerais globalement les fantômes? En tout cas, pas moi, non. Et vous, Nikki? Ces derniers temps, un monstre qui change sans cesse de couleur vient hanter mes rêves. Qui est ce monstre qui se transforme en oiseau géant? J'aimerais bien le savoir. Au fond, une fois de plus, je traverse une période difficile. Et si communiquer avec les esprits pouvait m'aider à en trouver la raison, j'en serais très heureuse. Ceci dit, je crois davantage à la psychiatrie qu'aux sciences occultes. Mais pourquoi pas? Bien, Nikki. Je vais allumer ces quelques bougies et vous demander pendant ce temps de vous concentrer sur la soucoupe remplie d'eau qui se trouve au milieu de la table. Votre père, Nikki, s'appelait André de Saint-Phal. Est-ce exact? Mon Dieu. Oui. Voilà maintenant 3 ans qu'il est mort, n'est-ce pas? J'avais oublié. Dans des circonstances effroyables, non? Un événement qui, sur le moment, ne m'avait pas affecté plus que ça. Mais qui vous a raconté cette histoire? Votre père a été victime d'un malaise alors qu'il nageait dans les eaux calmes du lac Chocorua. Oui. Dans l'état du New Hampshire, aux États-Unis. Ah. Votre fils, Philippe, qui nageait à ses côtés, n'a rien pu faire. C'est comme si j'entendais soudain ces appels au secours désespérés, et comme si je voyais mon fils empoigner son grand-père pour tenter de le ramener sur la berge. Voulez-vous entrer en contact avec l'esprit de votre père? En aucun cas. À la fin de votre vie, vous finirez par pardonner à ce père indigne les gestes déplacés qu'il a eus à votre endroit. Vous retrouverez les bons moments que vous avez passés avec lui. La séance est maintenant terminée. Vous êtes suffisamment éprouvé comme ça. C'est confondant, n'est-ce pas? Tu en penses quoi, Nikki, chérie? Je suis sous le choc. Sa mort, si je puis dire, qui remonte à la surface. Oui, peut-être que je lui pardonnerai un jour à mon père. Et là, c'est trop tôt. Il faut que je montre la laideur de la cellule familiale. La mienne, les autres, tous ces malheureux qui traînent toute leur vie, une éducation qui leur dévore les entrailles. Je vous attends dans mon cabinet dès que possible. Pas nécessaire, monsieur le psychiatre. Mon épouse, vous l'avez entendu, bon sang, c'est votre métier, a déjà transcendé son histoire personnelle pour en faire un conte universel. L'apparition du fantôme de mon père, une expérience inoubliable. Je viens de le voir mourir 3 ans après sa mort, c'est grave. Je vais donc laisser de côté l'époque joyeuse des nanas pour créer une sculpture que je nommerai « Les funérailles du père ». Qu'est-ce que je vous disais, monsieur le psy? Ma Nikki se débrouille très bien toute seule. Faudra vous chercher d'autres patientes. Le regard que Nikki de Saint-Phal pose sur son père, sa mère, puis sur ses parents en général, est d'une grande cruauté, en dépit du travail qu'elle a fait sur elle-même durant toute sa vie. Ainsi, dans la sculpture intitulée « La promenade du dimanche », l'artiste donne à la mère l'allure d'une dondon à la poitrine asymétrique et proéminente. Elle est affublée d'une robe informe, à larges fleurs, et tient à la main un ridicule petit sac noir. Le père, vêtu d'une veste à carreaux, est un homme flué, écrasé par son épouse. Entre papa et maman, il y a une immense araignée noire, tenue en laisse par le père. L'araignée, si l'on se réfère à Freud, est une femelle répugnante qui attire dans sa toile des êtres plus petits qu'elle dévore. Le succès que rencontrent les œuvres de l'artiste à travers le monde est considérable. De son vivant, comme après sa mort, survenue en 2002. Et si son travail s'inspire de sa vie, il raconte aussi la nôtre. Et à ce propos, laissons le dernier mot à Nikki de Saint-Phal. Mon œuvre est autobiographique. J'essayais de mettre toujours dans mes œuvres ce que je ressentais sur le moment. Mon enfance était douloureuse, solitaire et difficile. Et alors, je m'échappais dans un monde merveilleux. Ça m'a donné une structure pour toute ma vie. Je ne vais pas regretter mon enfance. Ça m'a permis d'être ainsi. Nikide Saint-Phal, de la révolte à l'art, de Léo Kesten, avec Arnaud Bédoué, le narrateur, Aurélie Nusillard, Nikide Saint-Phal, Guillaume Durieux, Tingli, Laurent Cléry, le psychiatre, Sophie Dole, la soucoupe. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Yannick Magnin. Assistant à la réalisation, Lise-Marie Barré et Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidorov. Tant de vallées, de prairies, de rivières et la joie des plaines, la chance bat des veines. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à la pelle. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière, les bonheurs et les peines. J'ai bravé son danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu, déçu même. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. J'ai tant laissé derrière moi, abandonné mon cœur au désert, soumis mon corps aux tempêtes. J'ai misé sur demain, j'ai flambé mes dollars au poker. J'ai tout brûlé, mes amulettes. J'en ai pisté des canailles, des terreurs, la nuit à cheval, sous la chaleur sans éventail. J'ai croisé des pêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme. Que j'aime. Et la joie des plaines, la chance la devaine. Si le ciel faisait le cadeau rêvé d'une vie nouvelle, sans hésiter, je revivrais la mienne. Premièrement, je suis autodidacte. J'ai toujours peint, c'est-à-dire toute mon enfance, partout mes livres, des cahiers étaient remplis de dessins un peu genre indien, remplis des pages avec dessins très complexes, que je ne considérais même pas des dessins, mais qui me faisaient mon plaisir. Et je n'ai pas pensé à être artiste. Je voulais faire de la mise en scène. Et j'étais dans une école, ici je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. J'avais 20 ans quand je suis retournée en France. Et je voulais être metteur en scène. Je me disputais avec tous les gens de l'école parce que je n'avais pas les mêmes idées, etc., etc. Bon, après ça, 22 ans, j'ai fait une dépression nerveuse très grande. Et là, on me fait beaucoup d'électrochocs. Et là, j'avais une mémoire exceptionnelle, mais ça m'a vraiment bousillé la mémoire. Je ne reconnaissais plus les gens dans la rue, etc. Mais je me suis guérie beaucoup plus vite que les gens pensaient. C'était parce que j'ai commencé à peindre tout, là. Tous mes problèmes, mes relations avec les gens, tout. Voilà. C'était tellement clair pour moi que c'était ça que je devais faire, que je devais oublier la mise en scène et que je devais que faire ça. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Niki de Saint-Phalle, de La Révolte à l'art. Notre invité, Camille Morino, commissaire de l'expo Niki de Saint-Phalle au Grand Palais en 2014. Bonjour Camille Morino. Bonjour. Alors vous avez travaillé dans plusieurs grands musées parisiens, le musée d'art moderne de la ville, la galerie du Jeu de Paume, au centre Pompidou comme conservatrice des collections contemporaines. Vous avez été aussi commissaire de nombreuses expos comme les Nouvelles Vagues à Pékin en 2004, c'est Yves Klein, au centre Pompidou en 2006, Gerhard Richter, Roy Lichtenstein, mais surtout, et c'est celle-là que je veux citer avant tout, l'expo Niki de Saint-Phalle au Grand Palais à Paris en septembre 2014, et vous êtes bien placé, fort bien placé, peut-être la mieux placée pour nous aider à comprendre l'immense œuvre de cet artiste, son originalité et, comme on dit pour les artistes immortels, sa modernité. Alors quelquefois c'est un mot qu'on emploie comme ça, mais là ça veut vraiment dire quelque chose. Alors comme chez tout artiste, et on le disait, enfin je le disais dans l'intro, la part du personnel, la part du vécu et la part de l'art se confondent, comme chez beaucoup d'artistes, c'est vrai. Là c'est vraiment très clair, ça se confond les deux, l'art et la personne. Alors, ça se confond beaucoup, dans l'image qu'on a de Niki de Saint-Phalle. Et d'ailleurs, elle a contribué à conforter cette image-là, puisqu'elle a beaucoup parlé de sa vie dans son œuvre. Moi, ceci dit, j'ai essayé de montrer un petit peu le contraire, c'est-à-dire à quel point Niki de Saint-Phalle n'était pas une autodidacte, contrairement à ce que vous avez annoncé. Bon, c'est une artiste, non, mais pas plus ni moins, on va dire, que les artistes des années 60, c'est-à-dire qui ont refusé d'aller à l'école des beaux-arts, qui voulaient réinventer l'art et donc l'inventer à partir d'une base autre. Donc Niki de Saint-Phalle est une artiste extrêmement cultivée et qui s'est fait une culture seule, enfin en se promenant dans tous les musées du monde. Donc c'était une artiste qui, comme beaucoup d'autres artistes, a choisi de pas aller à l'école, mais le terme autodidacte, disons, la met dans une espèce de case hors mouvement. Or, selon moi, elle a été une artiste qui a fait partie de beaucoup de mouvements, en fait. Elle a été très proche du pop américain, c'est une artiste comme qui est américaine. On a tendance à l'oublier. Elle était très amie avec Bob Rauschenberg et Jasper Johns, entre autres. Elle connaissait très bien l'art américain. Elle est, à mon avis, partie du mouvement qu'on appelle le néo-dada, qui succède à Jackson Pollock, enfin à l'expressionniste abstrait. Donc c'est une artiste qui est en fait très, qui connaît très bien l'art de son temps. Cette part biographique, elle est importante, mais elle n'est pas non plus essentielle. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le fait que souvent, les artistes femmes, on a tendance à les réduire à la biographie. Alors qu'au fond, c'est un point de départ parmi d'autres. Et là où on est un peu presque biaisé, c'est que Niki de Saint-Phalle va parler de la femme. Elle va pas parler d'elle, elle va parler d'elle en tant que femme. Et donc représenter le corps de la femme, des histoires de femmes, et donc se prendre pour exemple. Mais elle parle souvent en fait d'autobiographie fictive. Elle va écrire par exemple beaucoup de lettres, qui sont des espèces de fausses lettres, où elle s'adresse à des amants qui n'existent pas, et où elle s'amuse en fait à raconter la vie d'une femme. Alors une femme très libérée, très, très libre de ses amitiés, de ses amours, homosexuelle, hétérosexuelle, qui a beaucoup d'amants. Et cette femme-là, c'est une femme qu'elle rêve au fond. Donc c'est là où la biographie est ce qu'on appelle aujourd'hui une biographie un peu fictionnelle. Bon, voilà. Alors, il y a quand même. Bon, non, mais très bien. Il y a quand même des résonances sur sa vie, en tout cas, celles-ci sont particulières. Elle a attendu d'avoir 60 ans pour parler de l'inceste, du viol par son père, dans un livre, alors pour le coup, autobiographique, hein, moi, vous me corrigez. Absolument. Non, non, non, bon, non. Ouf. Non, non. Il y a quand même de l'autobiographie. Ça va. J'aurais pas 0 sur 20, j'aurais déjà. Non, j'aurais 2 points. Je ne me permettrai pas de noter quelle idée. Mais non, je plaisante. Son livre autobiographique, donc, s'appelle Mon secret. Ben voilà, il porte bien le nom de la confidence. Hein. En 1994, et on peut citer aussi le film Daddy en 73, film d'une immense tristesse où Nicky joue et co-réalise son histoire. Alors là, pour le coup, elle assume son histoire dans son expression artistique. Alors, vous allez me dire non encore. Vous pouvez me dire non, mais dites-moi pourquoi. 15 sur 20 seulement. 15, bon. 15 sur 20, vous remontez un peu. Non, vous avez raison de dire, mon secret c'est totalement autobiographique, mais comme vous l'avez fort justement noté, elle choisit de faire cette révélation très personnelle tard dans sa vie, et à mon avis absolument exprès, parce qu'elle savait qu'ensuite on ne parlerait que de ça. Et pour en venir à Daddy, qui est effectivement un film de 73, là pour le coup très en avant, à une époque où personne ne connaissait son histoire d'inceste. Et le film Daddy, il n'est pas si triste que ça, parce que si vous l'avez vu, il y a effectivement une partie qui parle d'une jeune fille, d'une petite fille qui se fait violer, même si ce n'est pas montré en tant que tel. Mais cette petite fille dans le film se venge de manière très violente dans une deuxième partie du film. Elle grandit, ça devient une adolescente extrêmement sexy qui séduit son père volontairement et ensuite qui l'enchaîne et le sadise. Donc c'est un film assez violent, à tel point qu'à la fin du film, on voit un homme enceinte accoucher. Enfin, c'est un film qui va bien au-delà de la seule femme victime et qui pose la femme aussi comme une femme dominatrice, une femme qui reprend possession de sa vie, de sa sexualité, quitte à inverser les rôles de domination et à dominer l'homme et les hommes en général. Est-ce qu'on peut, sans vouloir la mettre dans une case, dans un mouvement social, est-ce qu'on peut dire que Nikki de Saint-Phalle fait partie des féministes qui comptent, qui ont été importantes absolument, pour l'émancipation? Absolument. Là, 20 sur 20. Bien. Non, non, c'est une féministe et c'est même une des premières féministes et qui a été très très loin puisque non seulement elle a mis la femme au centre de son art, elle a mis une femme rêvée, une femme puissante, dynamique. Ces nanas sont plus grandes que les hommes, elles sont fortes, elles sont musclées. Et dans ce film Daddy, elle domine les hommes carrément. Enfin, je veux dire, elle les domine violemment même. Alors, on va encore parler un peu d'elle avant de parler de son art, puisqu'on peut faire aussi la césure entre les deux. Bon, une période de dépression longue, la peinture la sauvera peut-être de ce choc-là, on peut dire ça ou pas? Alors ça, c'est ce qu'elle raconte. Bon, oui, c'est pour ça que je... Bon, je l'ai pas connue à cette époque-là, évidemment, je n'étais pas née, mais il y a aussi une part de pour moi, de fiction biographique. Elle explique qu'elle est devenue artiste à la suite d'une dépression d'un séjour à l'hôpital. Alors je pense que c'est probablement vrai. Moi, à mon avis, elle aurait été de toute manière été artiste. Cette dépression est liée à sa prise de conscience de l'inceste, en fait. Puisqu'elle raconte qu'elle a reçu une lettre de son père à ce moment-là qui s'excuse de ce qui s'est passé et c'est en lisant cette lettre qu'elle se rappelle en fait d'un truc dont elle était totalement amnésique à l'époque. Donc elle fait une dépression et à l'hôpital elle commence à peindre. Donc effectivement il y a quelque chose là qui se noue et qu'elle raconte et qui à la fois explique mais pour moi ne limite pas non plus l'interprétation qu'on peut avoir de son travail. Alors, on va se retrouver dans 3 minutes à peu près, Camille Morino, et puis on va entrer dans l'art de Nikki de Saint-Phalle, à travers 3 ou 4 grandes œuvres. Hein, et puis on verra ce qu'il y a dedans, et ce qui peut nous toucher, ce qui peut nous émouvoir. À tout de suite. I put a spell on you. You're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you Camille Morino, donc parlons des œuvres de Niki de Saint-Phalle. Comment mieux parler d'un artiste ou d'une artiste que de parler de ses œuvres? On a abordé les nanas, où tout semble si grand, si fort, peut-être trop. Il y a quelque chose de presque... Tout est trop, mais c'est pas un jugement. Hein. Trop, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est trop bien. Ben là, c'est trop fort. Qu'est-ce qu'elle nous envoie, là, à travers ces nanas? Écoutez, il y a encore pas très longtemps, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était des œuvres pas très sérieuses ou intéressantes, un peu décoratives. Pour moi, c'est vraiment des œuvres féministes. C'est des guerrières. Elle en parlait comme des guerrières. Alors évidemment, ça, le mot nana vient aussi du roman de Zola, cette prostituée qui gagnait sa vie, qui était une des premières à gagner sa vie. Les nanas, elles sont grandes. Effectivement, elles sont plus grandes que les hommes. Et ça, Niki de Saint-Phalle le dit souvent. C'est des femmes puissantes. C'est des femmes dynamiques. Elles ont souvent un maillot de bain. Elles dansent. Elles ont la tête à l'envers. Elles sont musclées. Et c'est la femme rêvée. C'est la femme que Niki de Saint-Phalle voudrait voir dans un monde nouveau. Qui travaille, qui est à l'aise, qui a des formes rondes. C'est une femme féminine et féministe. Et beaucoup de ces nanas sont aussi noires, parce que Niki de Saint-Phalle s'est intéressée très tôt, a été l'une des premières à s'intéresser à la question noire, étant donc américaine. Beaucoup de ces nanas parlent de ça. C'est des femmes qui défendent aussi la cause des noirs, et notamment des noirs américains. Premier tir, j'en parle parce que c'est évoqué dans la fiction, hein, donc sur un tableau cible, portant des ballons emplis de peinture. Expliquez-nous cette œuvre, la façon de faire. Alors les tirs, c'est des œuvres assez complexes. Elle raconte son premier tir, c'était en fait un tir avec des fléchettes. Elle avait un homme qui l'avait laissé tomber et dont elle voulait se venger. Mais en réalité, pour moi, c'est vraiment des œuvres artistiquement très intéressantes. Elle prend un fusil, elle tire sur une œuvre qui est en réalité une œuvre préparée, donc une planche de bois avec souvent des poches de peinture qu'elle a préalablement remplies, qu'elle recouvre de plâtre blanc. Et ensuite, elle tire à des endroits très précis. Donc d'abord, c'est une très bonne tireuse. Et elle fait donc exploser ces petits sacs de peinture qui vont donc passer par-dessus le plâtre blanc et créer des œuvres abstraites et colorées. Alors quelquefois, dans ces tirs, il y a aussi des objets. Donc elle va faire apparaître en dessous du plâtre, en faisant exploser le plâtre, des objets qui peuvent être des jouets, qui peuvent être des éléments métalliques. Donc c'est des œuvres qui sont préparées et qui vont exploser sous la force de balles tirées par l'artiste ou tirées d'ailleurs par d'autres personnes, puisque beaucoup de tirs sont des performances collectives. Alors elle a invité des galeristes, des collectionneurs, un peu le tout venant aussi. Il y avait des tirs ouverts, donc les gens qui passaient devant des galeries ou des musées pouvaient prendre la carabine et tirer. J'allais vous dire, mais comment ça a été ressenti? J'imagine que ça a été bien accueilli, ne serait-ce que par le fait qu'elle ait associé des personnes au milieu de l'art. Bien accueilli, on n'est pas dans les années 2000, on est dans les années 60. C'est totalement scandaleux, un, qu'un artiste utilise un fusil pour faire de l'art. Deuxièmement, symboliquement, tire sur la peinture, alors que c'est encore une époque où la peinture était quand même très très respectée. Et troisièmement, qu'une femme prenne un fusil, tout ça c'était donc totalement scandaleux. Côté iconoclaste quoi. Totalement iconoclaste, et d'ailleurs elle a fait des couvertures de journaux, elle est passée à la télé, elle est devenue très célèbre parce que c'était extraordinaire qu'une femme prenne une carabine, tire sur la peinture, et qu'en plus, ses performances ont été filmées, qu'elle en parlait très très bien. Donc ça a été... selon moi, une des premières performeuses dans l'art contemporain. Je vais faire un détour, on reviendra à certaines œuvres précises, je fais un détour par ces rencontres qui sont forcément des influences. Les rencontres dans l'art, ce sont des influences. Jackson Pollock, Jean Dubuffet, puis de nombreux artistes et écrivains, ça a compté. Qu'est-ce que ça a apporté dans son œuvre, ça? Oui, bien sûr. Elle était, quand elle est arrivée à Paris dans les années 50, donc s'enfuyant des États-Unis avec son mari Harry Matthews, en partie d'ailleurs parce que les États-Unis étaient un pays raciste et qu'elle trouvait que la France était un pays justement beaucoup plus accueillant. Elle arrive à Paris dans les années 50, elle se retrouve à la Coupole, à Montparnasse, avec les écrivains, les philosophes, les peintres. Elle est plongée dans cette avant-garde-là, qui viendra les nouveaux réalistes, elle rencontre tous ces artistes, elle se nourrit de tout ça, mais tout en restant très proche aussi des États-Unis. Donc elle va d'ailleurs faire des allers-retours très très denses entre la France et les États-Unis dans les années 60, et être une de ces artistes comme Tinguely à vraiment faire le lien entre l'avant-garde américaine et l'avant-garde française ou européenne de l'époque. Effectivement, avec une vraie conscience française, si j'en crois l'œuvre Othello Eyes. Alors ça, c'est vraiment, on est dans la France, dans l'histoire de la France, une immersion totale. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire avec ça? Elle veut nous dire, évidemment, elle parle de la guerre d'Algérie, en même temps avec un petit clin d'œil, parce qu'elle disait aussi que c'était œuvre d'art sacré, OAS, il s'agit d'un hôtel. Elle critique, on va dire, à la fois la religion catholique Et par-delà la religion catholique, le fait que son père était catholique pratiquant et que donc il l'a violé. Donc il y a évidemment une critique très radicale de cette pensée, enfin de cette idée de la bien-pensante, on va dire, de la société française. Moraliste. Et deuxième détente, d'une certaine manière, évidemment, l'évocation de la guerre d'Algérie et de ces années extrêmement violentes en France. Et quand d'ailleurs elle fait ses tirs pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a évidemment, la France est en pleine guerre civile et c'est à ça aussi qu'elle fait référence. En 1969, commence avec Tinguely, le Cyclope, Amélie Laforêt. Alors, un temps infini passé là-dessus, ça c'est une œuvre majeure aussi. Celle-là. Oui, ça fait partie des nombreuses collaborations d'Inky de Saint-Phalle et de Jean Tinguely, qui est à la fois un couple et un couple amoureux et ensuite d'ailleurs seulement un couple d'artistes, parce que leur histoire amoureuse n'a pas duré si longtemps que ça. Mais c'est resté deux artistes extrêmement proches qui ont collaboré dans des œuvres formidables. Le Cyclope, c'est une œuvre non pas à quatre mains, mais je crois qu'il y a 12 artistes multipliés par deux. Enfin bon, 24 mains. Voilà, merci. Mais je me trompe peut-être dans le nombre d'artistes, mais ça fait partie de ces œuvres qui rassemblaient les artistes. Et c'est très caractéristique de cette époque des années 60 et 70, où beaucoup d'œuvres étaient collectives, oui. Où les artistes avaient une forme de générosité extrême, et notamment ces deux artistes-là, Tinguely et Niki de Saint-Phalle. Alors évidemment, on aurait pu aussi citer le Jardin des Tarots en Toscane, mais on n'a pas le temps. Ou la Fontaine Stravinsky à Paris aussi. Ou la Fontaine Stravinsky, exactement. Mm. Mais on n'a pas le temps de faire le catalogue entier, parce que je voudrais quand même qu'on parle une minute de l'exposition Niki de Saint-Phalle au Grand Palais en 2014, donc sous votre direction. Il y avait plus de 200 œuvres exposées. Alors là c'est pareil, quel a été l'accueil, quel a été le ressenti du public? Écoutez, c'est difficile de parler pour beaucoup de monde. Là, il y a eu presque 600 000 personnes qui sont venues, c'était palpable pour vous quand même. Que, voilà. Oui, c'était palpable parce que en fait, j'ai rencontré comme beaucoup de gens. Puis moi, la beauté de mon métier, c'est que je peux me promener dans les salles, écouter les gens, les rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui sont venus plusieurs fois à l'exposition, en fait. Des gens qui sont venus une fois, qui sont revenus avec leurs filles ou avec leurs amis. Enfin, il y a une pratique aussi familiale ou amicale très forte. Et en fait, une grande surprise. Je pense que les gens ne savent n'attendaient pas à découvrir cet artiste. Ils s'en faisaient une certaine idée, on va dire, d'une artiste comme ça, un peu joyeuse, décorative, un peu sans contenu. Et ils ont découvert un peu le contraire, avec des positions donc féministes, comme vous l'avez dit, mais globalement politiques, sur les questions raciales, sur des questions politiques à différents moments de sa vie, donc la guerre d'Algérie, voilà. Ouais. Mais après, d'autres guerres, la question du sida, c'était une des premières artistes à faire des œuvres pour dénoncer les ravages du sida. Donc c'est une artiste qui a toujours été extrêmement politique et qui en plus a aussi abordé un thème très contemporain qui est l'art public. Ça a été une des premières vraiment à s'intéresser à ça, à faire sortir l'art des musées et avoir la volonté de s'adresser à tout le monde. Et ce tout le monde, il est venu au Grand Palais, effectivement. Il a manifesté son amour de l'artiste, sa compréhension de l'artiste. C'est tout ça, sa modernité, c'est que ses œuvres sont aussi des marqueurs d'un moment bien précis, les années Sida, les années Algérie. Niki de Saint-Phalle est exposée au nord de l'Europe en ce moment. Quel pays ? Elle est exposée en ce moment près de Copenhague, dans le musée d'Arken, voilà. Et elle va partir bientôt en Finlande. Une deuxième exposition qui va ouvrir à Helsinki le 19 août. Toute dernière chose, question personnelle, mais enfin bon, à la fois personnelle et artistique et professionnelle, Camille Morino, l'œuvre qui vous touche le plus, si tant est que ce soit possible de faire un choix. Il y a une œuvre qui m'a beaucoup étonnée, qui est un accouchement. C'est une œuvre qui s'appelle Accouchement de 1963. Oui, je l'évoquais dans l'introduction. Qui est un des premiers accouchements. Pour moi, Niki de Saint-Phalle est la première, en fait, artiste à représenter un accouchement. C'est une thématique très très peu présente dans l'histoire de l'art, parce que qui s'intéresse à ça? Donc c'est une œuvre très forte, très importante, et qui place la femme en position là aussi forte, puisque cette femme qui accouche d'un enfant, comme elle le dit elle-même, l'enfant devient une sorte de pénis. Donc c'est une femme qui se transforme en homme en donnant naissance. Donc c'est une œuvre avec plein d'interprétations possibles et amusantes. Et transgressive. Et aussi. Assez transgressive. Bon, écoutez, vous m'avez donné à peine 15 sur 20, moi je vous donne 20 sur 20. Mais non, je vous ai donné 20 sur 20 tout à l'heure. Ah c'est vrai, d'accord, très bien. Non, quand même. Merci infiniment, Camille Morino, pour votre savoir sur... Niki de Saint-Phalle et la façon dont vous nous l'avez fait partager. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles à la fiction. Aujourd'hui, Niki de Saint-Phalle, de la révolte à l'art. Une fiction écrite par Léo Costum, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Charles Pellabon.